Chapitre 24. Préparatifs d'hivernage. L'hémisphère austral est plus froid à parité de latitude que l'hémisphère boréal, mais la température du nouveau continent est encore de 15 degrés au-dessous de celle des autres parties du monde. Et en Amérique, ces contrées connues sous le nom de pôle du froid sont les plus redoutables. La température moyenne pour toute l'année n'est que de 2 degrés au-dessous de zéro, moins 19 degrés centigrades. Les savants ont expliqué cela de la façon suivante, et le docteur Claoboni partageait leur opinion à cet égard. Suivant eux, les vents qui règnent avec la force la plus constante dans les régions septentrionales de l'Amérique sont les vents du sud-ouest. Ils viennent de l'océan Pacifique avec une température égale et supportable. Mais pour arriver aux mers arctiques, ils sont forcés de traverser l'immense territoire américain couvert de neige. Ils se refroidissent à son contact les régions hyperboréennes de leur glaciale âpreté. Hatera se trouvait au pôle du froid, au-delà des contrées entrevues par ses devanciers. Il s'attendit donc à un hiver terrible, sur un navire perdu au milieu des glaces, avec un équipage à demi révolté. Il résolut de combattre ces dangers d'hiver avec son énergie habituelle. Il regarda sa situation en face et ne baissa pas les yeux. Il commença par prendre, avec l'aide de l'expérience de Johnson, toutes les mesures nécessaires à son hivernage. D'après son calcul, le Forward avait été entraîné à 250 miles de la dernière terre connue, c'est-à-dire le Nouveau Cornouailles. Il était étreint dans un champ de glace comme dans un lit de granit et nulle puissance humaine ne pouvait l'en arracher. Il n'existait plus une goutte d'eau libre dans ces vastes mers frappées par l'hiver arctique. Les ice fields se déroulaient à perte de vue, mais sans offrir une surface unie. Loin de là, de nombreux icebergs hérissaient la plaine glacée, et le Forward se trouvait abrité par les plus hauts d'entre eux sur trois points du compas. Le vent du sud-est, seul, soufflait jusqu'à lui. Que l'on suppose des rochers au lieu de glaçons, de la verdure au lieu de neige, et la mer reprenant son état liquide, le brick eût été tranquillement à l'ancre dans une jolie baie et à l'abri des coups de vent les plus redoutables. Mais quelle désolation sous cette latitude! Quelle nature attristante! Quelle lamentable contemplation! Le navire, quelque immobile qu'il fût, dut être néanmoins assujetti fortement au moyen de ses ancres. Il fallait redouter les débâcles possibles ou les soulèvements sous-marins. Johnson, en apprenant cette situation du Forward au pôle du froid, observa plus sévèrement encore ses mesures d'hivernage. « Nous en verrons de rudes, » avait-il dit au docteur. « Voilà bien la chance du capitaine. Allez se faire pincer au point le plus désagréable du globe. Bah, vous verrez que nous nous en tirerons. » Quant au docteur, au fond de sa pensée, il était tout simplement ravi de la situation. Il ne l'eût pas changé pour une autre. Hiverner au pôle du froid, quelle bonne fortune! Les travaux de l'extérieur occupèrent d'abord l'équipage. Les voiles demeurèrent enverguées au lieu d'être serrées à fond de cale, comme le firent les premiers hiverneurs. Elles furent uniquement repliées dans leur étui et bientôt la glace leur fit une enveloppe imperméable. On ne dépassa même pas les mâts de paroquet et le nid de pie resta en place. C'était un observatoire naturel. Les manœuvres courantes furent seules retirées. Il devint nécessaire de couper le champ autour du navire qui souffrait de sa pression. Les glaçons, accumulés sur ses flancs, pesaient d'un poids considérable. Il ne reposait pas sur sa ligne de flottaison habituelle. Travail long et pénible. Au bout de quelques jours, la carène fut délivrée de sa prison et l'on profita de cette circonstance pour l'examiner. Elle n'avait pas souffert grâce à la solidité de sa construction. Seulement, son doublage de cuivre était presque entièrement arraché. Le navire, devenu libre, se releva de près de 9 pouces. On s'occupa alors de tailler la glace en biseau suivant la forme de la coque. De cette façon, le champ se rejoignait sous la quille du brick et s'opposait lui-même à tout mouvement de pression. Le docteur participait à ces travaux. Il maniait adroitement le couteau à neige. Il excitait les matelots par sa bonne humeur. Il instruisait et s'instruisait. Il approuva fort cette disposition de la glace sous le navire. « Voilà une bonne précaution, » dit-il. « Sans cela, monsieur Claoboni, » répondit Johnson, « on n'y résisterait pas. Maintenant, nous pouvons sans crainte élever une muraille de neige jusqu'à la hauteur du plat-bord. Et si nous voulons, nous lui donnerons 10 pieds d'épaisseur, car les matériaux ne manquent pas. » « Excellente idée, » reprit le docteur. « La neige est un mauvais conducteur de la chaleur. Elle réfléchit au lieu d'absorber, et la température intérieure ne pourra pas s'échapper au dehors. » Cela est vrai, répondit Johnson. Nous élevons une fortification contre le froid, mais aussi contre les animaux, s'il leur prend fantaisie de nous rendre visite. Le travail terminé, cela aura bonne tournure, vous verrez. Nous taillerons dans cette masse de neige deux escaliers donnant accès l'un à l'avant, l'autre à l'arrière du navire. Une fois les marches taillées au couteau, nous répandrons de l'eau dessus. Cette eau se convertira en une glace dure comme du roc et nous aurons un escalier royal. « Parfait !» répondit le docteur. « Il faut l'avouer, il est heureux que le froid engendre la neige et la glace, c'est-à-dire de quoi se protéger contre lui. Sans cela, on serait fort embarrassé. » En effet, le navire était destiné à disparaître sous une couche épaisse de glace, à laquelle il demandait la conservation de sa température intérieure. Un toit fait d'épaisses toiles goudronnées et recouvertes de neige fut construit au-dessus du pont sur toute sa longueur. La toile descendait assez bas pour recouvrir les flancs du navire. Le pont, se trouvant à l'abri de toute impression du dehors, devint un véritable promenoir. Il fut recouvert de 2,5 pieds de neige. Cette neige fut foulée et battue de manière à devenir très dure. Là, elle faisait encore obstacle au rayonnement de la chaleur interne. On étendit au-dessus d'elle une couche de sable qui devint s'incrustant un macadamisage d'une grande dureté. « Un peu plus, disait le docteur, et avec quelques arbres, je me croirais à Hyde Park, et même dans les jardins suspendus de Babylone. » On fit un trou à une distance assez rapprochée du brick. C'était un espace circulaire creusé dans le champ, un véritable puits qui devait être maintenu toujours praticable. Chaque matin, on brisait la glace formée à l'orifice. Il devait servir à se procurer de l'eau en cas d'incendie, ou pour les bains fréquents ordonnés aux hommes de l'équipage par mesure d'hygiène. On avait même soin, afin d'épargner le combustible, de puiser l'eau dans des couches profondes où elle est moins froide. On parvenait à ce résultat au moyen d'un appareil indiqué par un savant français. Cet appareil, descendu à une certaine profondeur, donnait accès à l'eau environnante au moyen d'un double fond mobile dans un cylindre. Habituellement, on enlève pendant les mois d'hiver tous les objets qui encombrent le navire, afin de se réserver de plus larges espaces. On dépose ces objets à terre dans des magasins. Mais ce qui peut se pratiquer près d'une côte est impossible à un navire mouillé dans un champ de glace. Tout fut disposé à l'intérieur pour combattre ces deux grands ennemis de ces latitudes, le froid et l'humidité. Le premier amenait le second, plus redoutable encore. On résiste au froid, on succombe à l'humidité. Il s'agissait donc de la prévenir. Le Forward, destiné à une navigation dans les mers arctiques, offrait un aménagement le meilleur pour un hivernage. La grande chambre de l'équipage était sagement disposée. On y avait fait la guerre au coin où l'humidité se réfugie d'abord. En effet, par certains abaissements de température, une couche de glace se forme sur les cloisons, dans les coins particulièrement, et quand elle vient à se fondre, elle entretient une humidité constante. Circulaire, la salle de l'équipage eut encore mieux convenu, mais enfin chauffée par un vaste poêle et convenablement ventilée, elle devait être très habitable. Les murs étaient tapissés de peaux de daim et non d'étoffes de laine, car la laine arrête les vapeurs qui s'y condensent et imprègne l'atmosphère d'un principe humide. Les cloisons furent abattues dans la dunette, et les officiers eurent une salle commune plus grande, plus aérée et chauffée par un poêle. Cette salle, ainsi que celle de l'équipage, était précédée d'une sorte d'antichambre qui lui enlevait toute communication directe avec l'extérieur. De cette façon, la chaleur ne pouvait se perdre, et l'on passait graduellement d'une température à l'autre. On laissait dans les antichambres les vêtements chargés de neige. On se frottait les pieds à des scrappers installés au dehors, de manière à n'introduire avec soi aucun élément malsain. Des manches en toile servaient à l'introduction de l'air destiné au tirage des poêles. D'autres manches permettaient à la vapeur d'eau de s'échapper. Au surplus, des condensateurs étaient établis dans les deux salles et recueillaient cette vapeur au lieu de la laisser se résoudre en eau. On les vidait deux fois par semaine et ils renfermaient quelquefois plusieurs boisseaux de glace. C'était autant de prix sur l'ennemi. Le feu se réglait parfaitement et facilement au moyen des manches à air. On reconnut qu'une petite quantité de charbon suffisait à maintenir dans les salles une température de 50 degrés, plus 10 degrés centigrades. Cependant, Atterras, après avoir fait jauger ses soutes, vit bien que, même avec la plus grande parcimonie, il n'avait pas pour 2 mois de combustible. Un séchoir fut installé pour les vêtements, qui devaient être souvent lavés. On ne pouvait les faire sécher à l'air, car ils devenaient durs et cassants. Les parties délicates de la machine furent aussi démontées avec soin. La chambre qui l'en renfermait fut hermétiquement close. La vie du bord devint l'objet de sérieuses méditations. Atterras la régla avec le plus grand soin et le règlement fut affiché dans la salle commune. Les hommes se levaient à 6 heures du matin. Les hamacs étaient exposés à l'air 3 fois par semaine. Le plancher des 2 chambres fut frotté chaque matin avec du sable chaud. Le thé brûlant figurait à chaque repas et la nourriture variait autant que possible suivant les jours de la semaine. Elle se composait de pain, de farine, de gras de bœuf et de raisins secs pour les puddings, de sucre, de cacao, de thé, de riz, de jus de citron, de viande conservée, de bœuf et de porc salé, de choux et de légumes au vinaigre. La cuisine était située en dehors des salles communes. On se privait ainsi de sa chaleur, mais la cuisson des aliments est une source constante d'évaporation et d'humidité. La santé des hommes dépend beaucoup de leur genre de nourriture. Sous ces latitudes élevées, on doit consommer le plus possible de matières animales. Le docteur avait présidé à la rédaction du programme d'alimentation. « Il faut prendre exemple sur les Esquimaux, » disait-il. « Ils ont reçu les leçons de la nature et sont nos maîtres en cela. » Si les Arabes, si les Africains peuvent se contenter de quelques dattes et d'une poignée de riz, ici, il est important de manger et beaucoup. Les Esquimaux absorbent jusqu'à 10 et 15 livres d'huile par jour. Si ce régime ne vous plaît pas, nous devons recourir aux matières riches en sucre et en graisse. En un mot, il nous faut du carbone. Faisons du carbone. C'est bien de mettre du charbon dans le poêle, mais n'oublions pas d'embourrer ce précieux poêle que nous portons en nous. Avec ce régime, une propreté sévère fut imposée à l'équipage. Chacun dut prendre tous les 2 jours un bain de cette eau à demi glacée que procurait le trou à feu, excellent moyen de conserver sa chaleur naturelle. Le docteur donnait l'exemple. Il le fit d'abord comme une chose qui devait lui être fort désagréable. Mais ce prétexte lui échappa bientôt, car il finit par trouver un plaisir véritable à cette immersion très hygiénique. Lorsque le travail ou la chasse où les reconnaissances entraînaient les gens de l'équipage au dehors par les grands froids, ils devaient prendre garde surtout à ne pas être frostbitten, c'est-à-dire gelés dans une partie quelconque du corps. Si le cas arrivait, on se hâtait, à l'aide de frictions de neige, de rétablir la circulation du sang. D'ailleurs, les hommes soigneusement vêtus de laine sur tout le corps portaient des capotes en peau de daim et des pantalons de peau de phoque qui sont parfaitement imperméables au vent. Les divers aménagements du navire, l'installation du bord, prirent environ 3 semaines et l'on arriva au 10 octobre sans incident particulier. Chapitre 25. Un vieux renard de James Ross. Ce jour-là, le thermomètre s'abaissa jusqu'à 3 degrés au-dessous de zéro, moins 16 centigrades. Le temps fut assez calme, le froid se supportait facilement en l'absence de la brise. Atterras, profitant de la clarté de l'atmosphère, alla reconnaître les plaines environnantes. Il gravit l'un des plus hauts icebergs du Nord et n'embrassa, dans le champ de sa lunette, qu'une suite de montagnes de glace et d'icefields. Pas une terre en vue, mais bien l'image du chaos sous son plus triste aspect. Il revint à bord, essayant de calculer la longueur probable de sa captivité. Les chasseurs, et parmi eux le docteur, James Wall, Simpson, Johnson, Bell, ne manquaient pas de pourvoir le navire de viande fraîche. Les oiseaux avaient disparu, cherchant au sud des climats moins rigoureux. Les ptarmigans, seuls, perdrix de rochers particulières à cette latitude, ne fuyaient pas devant l'hiver. On pouvait les tuer facilement, et leur grand nombre promettait une réserve abondante de gibier. Les lièvres, les renards, les loups, les hermines, les ours ne manquaient pas. Un chasseur français, anglais ou norvégien n'eut pas eu le droit de se plaindre, mais ces animaux très farouches ne se laissaient guère approcher. On les distinguait difficilement d'ailleurs sur ces plaines blanches dont ils possédaient la blancheur, car avant les grands froids, ils changent de couleur et revêtent leur fourrure d'hiver. Le docteur constata, contrairement à l'opinion de certains naturalistes, que ce changement ne provenait pas du grand abaissement de la température, car il avait lieu avant le mois d'octobre. Il ne résultait donc pas d'une cause physique, mais bien de la prévoyance providentielle qui voulait mettre les animaux arctiques en mesure de braver la rigueur d'un hiver boréal. On rencontrait souvent des veaux marins, des chiens de mer, animaux compris sous la dénomination générale de phoques. Leur chasse fut spécialement recommandée aux chasseurs, autant pour leur peau que pour leur graisse, éminemment propre à servir de combustible. D'ailleurs, le foie de ces animaux devenait au besoin un excellent comestible. On en comptait par centaines, et à 2 ou 3 miles au nord du navire, le champ était littéralement percé à jour par les trous de ces énormes amphibies. Seulement, ils éventaient le chasseur avec un instinct remarquable, et beaucoup furent blessés qui s'échappèrent aisément en plongeant sous les glaçons. Cependant, le 19, Simpson parvint à s'emparer de l'un d'eux à 400 yards du navire. Il avait eu la précaution de boucher son trou de refuge, de sorte que l'animal fût à la merci des chasseurs. Il se débattit longtemps, et après avoir essuyé plusieurs coups de feu, il finit par être assommé. Il mesurait 9 pieds de long. Sa tête de bouledogue, les 16 dents de ses mâchoires, ses grandes nageoires pectorales en forme d'aileron, sa queue petite et munie d'une autre paire de nageoires, en faisaient un magnifique spécimen de la famille des chiens de mer. Le docteur, voulant conserver sa tête pour sa collection d'histoires naturelles et sa peau pour les besoins à venir, fit préparer l'une et l'autre par un moyen rapide et peu coûteux. Il plongea le corps de l'animal dans le trou à feu, et des milliers de petites crevettes enlevèrent les moindres parcelles de chair. Au bout d'une demi-journée, le travail était accompli, et le plus adroit de l'honorable corporation des tanneurs de Liverpool n'eut pas mieux réussi. Dès que le soleil a dépassé l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le 23 septembre, on peut dire que l'hiver commence dans les régions arctiques. Cet astre bienfaisant, après avoir peu à peu descendu au-dessous de l'horizon, disparut enfin le 23 octobre, effleurant de ses obliques rayons la crête des montagnes glacées. Le docteur lui lança le dernier adieu du savant et du voyageur. Il ne devait plus le revoir avant le mois de février. Il ne faut pourtant pas croire que l'obscurité soit complète pendant cette longue absence du soleil. La lune vient chaque mois le remplacer de son mieux. Il y a encore la scintillation très claire des étoiles, l'éclat des planètes, de fréquentes aurores boréales et des réfractions particulières aux horizons blancs de neige. D'ailleurs, le soleil, au moment de sa plus grande déclinaison australe, le 21 décembre, s'approche encore de 13 degrés de l'horizon polaire. Il règne donc chaque jour un certain crépuscule de quelques heures. Seulement, le brouillard et les tourbillons de neige venaient souvent plonger ces froides régions dans la plus complète obscurité. Cependant, jusqu'à cette époque, le temps fut assez favorable. Les perdrix et les lièvres seuls purent s'en plaindre, car les chasseurs ne leur laissaient pas un moment de repos. On disposa plusieurs trappes à renards, mais ces animaux soupçonneux ne s'y laissèrent pas prendre. Plusieurs fois même, ils grattèrent la neige au-dessous de la trappe et s'emparèrent de l'appât sans courir aucun risque. Le docteur les donnait au diable, fort peiné toutefois de lui faire un semblable cadeau. Le 25 octobre, le thermomètre ne marqua plus que 4 degrés au-dessous de zéro, moins 20 degrés centigrades. Un ouragan d'une violence extrême se déchaîna. Une neige épaisse s'empara de l'atmosphère, ne permettant plus à un rayon de lumière d'arriver au forward. Pendant plusieurs heures, on fut inquiet du sort de Bell et de Simpson, que la chasse avait entraînés trop loin. Ils ne regagnèrent le bord que le lendemain, après être restés une journée entière couchés dans leur peau de daim, tandis que l'ouragan balayait l'espace au-dessus d'eux et les ensevelissait sous 5 pieds de neige. Ils faillirent être gelés et le docteur eut beaucoup de peine à rétablir en eux la circulation du sang. La tempête dura 8 longs jours sans interruption. On ne pouvait mettre le pied dehors. Il y avait pour une seule journée des variations de 15 et 20 degrés dans la température. Pendant ces loisirs forcés, chacun vivait à part, les uns dormant, les autres fumant, certains s'entretenant à voix basse et s'interrompant à l'approche de Johnson ou du docteur. Il n'existait aucune liaison morale entre les hommes de cet équipage. ils ne se réunissaient qu'à la prière du soir, faite en commun, et le dimanche pour la lecture de la Bible et l'office divin. Clifton s'était parfaitement rendu compte que, le 78e parallèle franchi, sa part de prime s'élevait à 375 livres. Il trouvait la somme ronde et son ambition n'allait pas au-delà. On partageait volontiers son opinion et l'on songeait à jouir de cette fortune acquise au prix de tant de fatigues. Atterras demeurait presque invisible. Il ne prenait part ni aux chasses, ni aux promenades. Il ne s'intéressait aucunement aux phénomènes météorologiques qui faisaient l'admiration du docteur. Il vivait avec une seule idée. Elle se résumait en trois mots, le pôle Nord. Il ne songeait qu'au moment où le Forward, libre enfin, reprendrait sa course aventureuse. En somme, le sentiment général du bord, c'était la tristesse. Rien d'écœurant, en effet, comme la vue de ce navire captif qui ne se repose plus dans son élément naturel, dont les formes sont altérées sous ses épaisses couches de glace. Il ne ressemble à rien. Fait pour le mouvement, il ne peut bouger. On le métamorphose en maison de bois, en magasin, en demeure sédentaire, lui qui sait braver le vent et les orages. Cette anomalie, cette situation fausse, portait dans les cœurs un indéfinissable sentiment d'inquiétude et de regret. Pendant ces heures inoccupées, le docteur mettait en ordre les notes de voyage, dont ce récit est la reproduction fidèle. Il n'était jamais désœuvré et son égalité d'humeur ne changeait pas. Seulement, il vit venir avec satisfaction la fin de la tempête et se disposa à reprendre ses chasses accoutumées. Le 3 novembre, à 6 heures du matin, et par une température de 5 degrés au-dessous de zéro, moins 21 degrés centigrades, il partit en compagnie de Johnson et de Bell. Les plaines de glace étaient unies. La neige répandue en grande abondance pendant les jours précédents et solidifiée par la gelée offrait un terrain assez propice à la marche. Un froid sec et piquant se glissait dans l'atmosphère, la lune brillait avec une incomparable pureté et produisait un jeu de lumière étonnant sur les moindres aspérités du champ. Les traces de pas s'éclairaient sur leurs bords et laissaient comme une traînée lumineuse par le chemin des chasseurs, dont les grandes ombres s'allongeaient sur la glace avec une surprenante netteté. Le docteur avait amené son ami Duke avec lui. Il le préférait pour chasser le gibier aux chiens groenlandais, et cela avec raison. Ces derniers sont peu utiles en semblables circonstances et ne paraissent pas avoir le feu sacré de la race des zones tempérées. Duke courait en flairant la route et tombait souvent en arrêt sur les traces d'ours encore fraîches. Cependant, en dépit de son habileté, les chasseurs n'avaient pas rencontré même un lièvre au bout de 2 heures de marche. Est-ce que le gibier aurait senti le besoin d'émigrer vers le sud ? Dit le docteur en faisant halte au pied d'un hummock. On le croirait, monsieur Clawbonny, répondit le charpentier. Je ne le pense pas pour mon compte, répondit Johnson. Les lièvres, les renards et les ours sont faits à ces climats. Suivant moi, la dernière tempête doit avoir causé leur disparition. Mais, avec les vents du sud, ils ne tarderont pas à revenir. Ah, si vous me parliez de rennes ou de bœufs musqués, ce serait autre chose. Et cependant, à l'île Melville, on trouve ces animaux-là par troupes nombreuses, reprit le docteur. Cette île est située plus au sud, il est vrai. Aussi, pendant ces hivernages, Paris a toujours eu ce magnifique gibier à discrétion. Nous sommes moins bien partagés, répondit Bell. Si nous pouvions seulement nous approvisionner de viande d'ours, il ne faudrait pas nous plaindre. Voilà précisément la difficulté, répliqua le docteur. C'est que les ours me paraissent fort rares et très sauvages. Ils ne sont pas encore assez civilisés pour venir au-devant d'un coup de fusil. Bell parle de la chair d'ours, reprit Johnson, mais la graisse de cet animal est plus enviable en ce moment que sa chair et sa fourrure. Tu as raison, Johnson, répondit Bell. Tu penses toujours au combustible. Comment n'y pas penser? Même en le ménageant avec la plus sévère économie, il ne nous en reste pas pour 3 semaines. Oui, reprit le docteur, là est le véritable danger, car nous ne sommes qu'au commencement de novembre, et février est le mois le plus froid de l'année dans la zone glaciale. Toutefois, à défaut de graisse d'ours, nous pouvons compter sur la graisse de phoque. Pas longtemps, monsieur Clawbonny, répondit Johnson. Ces animaux-là ne tarderont pas à nous abandonner. Raison de froid ou d'effroi, ils ne se montreront bientôt plus à la surface des glaçons. Alors, reprit le docteur, je vois qu'il faut absolument se rabattre sur les ours. et je l'avoue, c'est bien l'animal le plus utile de ces contrées, car à lui seul, il peut fournir la nourriture, les vêtements, la lumière et le combustible nécessaires à l'homme. Entends-tu, Duke ? Fit le docteur en caressant le chien. « Il nous faut des ours, mon ami. Cherche, voyons, cherche !» Duke, qui flairait la glace en ce moment, excité par la voix et les caresses du docteur, partit tout d'un coup avec la rapidité d'un trait. Il aboyait avec vigueur, et malgré son éloignement, ses aboiements arrivaient avec force jusqu'au chasseur. L'extrême portée du son par les basses températures est un fait étonnant. Il n'est égalé que par la clarté des constellations dans le ciel boréal. Les rayons lumineux et les ondes sonores se transportent à des distances considérables, surtout par les froids secs des nuits hyperboréennes. Les chasseurs, guidés par ces aboiements lointains, se lancèrent sur les traces de Duke. Il leur fallut faire un mile, et ils arrivèrent essoufflés car les poumons sont rapidement suffoqués dans une semblable atmosphère. Duke demeurait en arrêt, à 50 pas d'une masse énorme qui s'agitait au sommet d'un monticule. « Nous voilà servis à souhait !» s'écria le docteur en armant son fusil. « Un ours, ma foi, un bel ours !» dit Bell en imitant le docteur. « Un ours singulier !» fit Johnson, se réservant de tirer après ses deux compagnons. Duke aboyait avec fureur. Bell avança d'une 20aine de pieds et fit feu. Mais l'animal ne parut pas être atteint et il continua de balancer lourdement sa tête. Johnson s'approcha à son tour et après avoir soigneusement visé, il pressa la détente de son arme. « Bon !» s'écria le docteur. « Rien encore. Ah, maudite réfraction, nous sommes hors de portée. On ne s'y habituera donc jamais. Cet ours est à plus de 1000 pas de nous. En avant !» répondit Bell. Les trois compagnons s'élancèrent rapidement vers l'animal que cette fusillade n'avait nullement troublé. Il semblait être de la plus forte taille, et sans calculer les dangers de l'attaque, les chasseurs se livraient déjà à la joie de la conquête. Arrivés à une portée raisonnable, ils firent feu. L'ours, blessé mortellement sans doute, fit un bond énorme et tomba au pied du monticule. Duke se précipita sur lui. « Voilà un ours, dit le docteur, qui n'aura pas été difficile à abattre. « 3 coups de feu seulement, répondit Bell d'un air méprisant. « Il est à terre. » « C'est même singulier, » fit Johnson. « À moins que nous ne soyons arrivés juste au moment où il allait mourir de vieillesse, » répondit le docteur en riant. « Ma foi, vieux ou jeune, » répliqua Bell, « il n'en sera pas moins de bonne prise. » En parlant ainsi, les chasseurs arrivèrent au monticule, et à leur grande stupéfaction, ils trouvèrent Duke acharné sur le cadavre d'un renard blanc. « Ah, par exemple, » s'écria Bell, « voilà qui est fort. » « En vérité, » dit le docteur, « nous tuons un ours et c'est un renard qui tombe. » Johnson ne savait trop que répondre. « Bon, » s'écria le docteur avec un éclat de rire mêlé de dépit, « encore la réfraction, toujours la réfraction. »« Que voulez-vous dire, monsieur Claoboni ?» demanda le charpentier. « Eh oui, mon ami, elle nous a trompés sur les dimensions comme sur la distance. Elle nous a fait voir un ours sous la peau d'un renard. » Pareille méprise est arrivée plus d'une fois aux chasseurs dans des circonstances identiques. Allons, nous en sommes pour nos frais d'imagination. « Ma foi, » répondit Johnson, « ours ou renard, on le mangera tout de même. Emportons-le. » Mais au moment où le maître d'équipage allait charger l'animal sur ses épaules, « Voilà qui est plus fort » s'écria-t-il. « Qu'est-ce donc ? » demanda le docteur. « Regardez, monsieur Claoboni, voyez, il y a un collier au cou de cette bête. » « Un collier ?» répliqua le docteur en se penchant sur l'animal. En effet, un collier de cuivre à demi usé apparaissait au milieu de la blanche fourrure du renard. Le docteur crut y remarquer des lettres gravées. En un tour de main, il l'enleva de ce cou autour duquel il paraissait rivé depuis longtemps. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda Johnson. « Cela veut dire, » répondit le docteur, « que nous venons de tuer un renard âgé de plus de 12 ans, mes amis. » Un renard qui fut pris par James Ross en 1848. « Est-il possible ? » s'écria Bell. « Ce n'est pas douteux. Je regrette que nous ayons abattu ce pauvre animal. Pendant son hivernage, James Ross eut l'idée de prendre dans des pièges une grande quantité de renards blancs. On riva à leur cou des colliers de cuivre sur lesquels était gravée l'indication de ses navires, l'entreprise et l'investigator, ainsi que celle des dépôts de vivres. Ces animaux traversent d'immenses étendues de terrain en quête de leur nourriture, et James Ross espérait que l'un d'eux pourrait tomber entre les mains de quelques hommes de l'expédition de Franklin. Voilà toute l'explication, et cette pauvre bête, qui aurait pu sauver la vie de deux équipages, est venue inutilement tomber sous nos balles. « Ma foi, nous ne le mangerons pas, » dit Johnson. « D'ailleurs, un renard de 12 années. En tout cas, nous conserverons sa peau en témoignage de cette curieuse rencontre. » Johnson chargea la bête sur ses épaules. Les chasseurs se dirigèrent vers le navire en s'orientant sur les étoiles. Leur expédition ne fut pas cependant tout à fait infructueuse. Ils purent abattre plusieurs couples de ptarmigans. Une heure avant d'arriver au Forward, un phénomène survint qui excita l'étonnement du docteur. Ce fut une véritable pluie d'étoiles filantes. On pouvait les compter par milliers, comme les fusées dans le bouquet d'un feu d'artifice. La lumière de la lune pâlissait, l'œil ne pouvait se lasser d'admirer ce spectacle qui dura plusieurs heures. Pareil météore fut observé au Groenland par les frères Morave en 1799. On eût dit une véritable fête que le ciel donnait à la terre sous ses latitudes désolées. Le docteur, de retour à bord, passa la nuit à contempler ce phénomène qui cessa vers les 7 heures du matin, au milieu du profond silence de l'atmosphère. Chapitre 26. Le dernier morceau de charbon. Les ours paraissaient décidément imprenables. On tua quelques phoques pendant les journées des 4, 5 et 6 novembre. Puis, le vent venant à changer, la température s'éleva de plusieurs degrés. Mais les drifts de neige recommencèrent avec une incomparable violence. Il devint impossible de quitter le navire et l'on eut fort à faire pour combattre l'humidité. À la fin de la semaine, les condensateurs recelaient plusieurs boisseaux de glace. Le temps changea de nouveau le 15 novembre, et le thermomètre, sous l'influence de certaines conditions atmosphériques, descendit à 24 degrés au-dessous de zéro, moins 31 degrés centigrades. Ce fut la plus basse température observée jusque-là. Ce froid eût été supportable dans une atmosphère tranquille, mais le vent soufflait dehors et semblait faire de lames aiguës qui traversaient l'air. Le docteur regretta fort d'être ainsi captif, car la neige, raffermi par le vent, offrait un terrain solide pour la marche, et il eût pu tenter quelque lointaine excursion. Cependant, il faut le dire, tout exercice violent par un tel froid amène vite l'essoufflement. Un homme ne peut alors produire le quart de son travail habituel. Les outils de fer deviennent impossibles à manier. Si la main les prend sans précaution, elle éprouve une douleur semblable à celle d'une brûlure, et des lambeaux de sa peau restent attachés à l'objet imprudemment saisi. L'équipage, confiné dans le navire, fut donc réduit à se promener pendant 2 heures sur le pont recouvert où il avait la permission de fumer, car cela était défendu dans la salle commune. Là, dès que le feu baissait un peu, la glace envahissait les murailles et les jointures du plancher. Il n'y avait pas une cheville, un clou de fer, une plaque de métal qui ne se recouvrît immédiatement d'une couche glacée. L'instantanéité du phénomène émerveillait le docteur. La laine des hommes se condensait dans l'air, sautant de l'état fluide à l'état solide. Elle retombait en neige autour d'eux. À quelques pieds seulement des poêles, le froid reprenait toute son énergie et les hommes se tenaient près du feu, en groupe serré. Cependant, le docteur leur conseillait de s'aguerrir, de se familiariser avec cette température qui n'avait certainement pas dit son dernier mot. Il leur recommandait de soumettre peu à peu leur épiderme à des cuissons intenses et prêchait d'exemple. Mais la paresse ou l'engourdissement clouaient la plupart d'entre eux à leur poste. Ils n'en voulaient pas bouger et préféraient s'endormir dans cette mauvaise chaleur. Cependant, d'après le docteur, il n'y avait aucun danger à s'exposer à un grand froid en sortant d'une salle chauffée. Ces transitions brusques n'ont d'inconvénient, en effet, que pour des gens qui sont en moiteur. Le docteur citait des exemples à l'appui de son opinion, mais ses leçons étaient perdues, ou à peu près. Quant à John à terrasse, il ne paraissait pas ressentir l'influence de cette température. Il se promenait silencieusement, ni plus ni moins vite. Le froid n'avait-il pas pris sur son énergique constitution? Possédait-il au suprême degré ce principe de chaleur naturelle qu'il recherchait chez ses matelots? Était-il cuirassé dans son idée fixe, de manière à se soustraire aux impressions extérieures? Ces hommes ne le voyaient pas, sans un profond étonnement, affronter ces 24 degrés au-dessous de zéro. Ils quittaient le bord pendant des heures entières et revenaient sans que sa figure portât les marques du froid. Cet homme est étrange, disait le docteur à Johnson. Il m'étonne moi-même. Il porte en lui un foyer ardent. C'est une des plus puissantes natures que j'ai étudiées de ma vie. Le fait est, répondit Johnson, qu'il va, vient, circule en plein air, sans se vêtir plus chaudement qu'au mois de juin. Oh, la question de vêtements est peu de chose, répondait le docteur. À quoi bon vêtir chaudement celui qui ne peut produire la chaleur de lui-même? C'est essayer d'échauffer un morceau de glace en l'enveloppant dans une couverture de laine. Mais Hatteras n'a pas besoin de cela. Il est ainsi bâti. Je ne serais pas étonné qu'il fît véritablement chaud à ses côtés comme auprès d'un charbon incandescent. Johnson, chargé de dégager chaque matin le trou à feu, remarqua que la glace mesurait plus de 10 pieds d'épaisseur. Presque toutes les nuits, le docteur pouvait observer de magnifiques aurores boréales. De 4 heures à 8 heures du soir, le ciel se colorait légèrement dans le nord. Puis cette coloration prenait la forme régulière d'une bordure jaune pâle dont les extrémités semblaient s'arc-boutées sur le champ de glace. Peu à peu, la zone brillante s'élevait dans le ciel suivant le méridien magnétique et apparaissait striée de bandes noirâtres. Des jets d'une matière lumineuse s'élançaient, s'allongeaient alors, diminuant ou forçant leur éclat. Le météore, arrivé à son zénith, se composait souvent de plusieurs arcs qui se baignaient dans les ondes rouges, jaunes ou vertes de la lumière. C'était un éblouissement, un incomparable spectacle. Bientôt, les diverses courbes se réunissaient en un seul point et formaient des couronnes boréales d'une opulence toute céleste. Enfin, les arcs se pressaient les uns contre les autres, la splendide aurore pâlissait, les rayons intenses se fondaient en lueurs pâles, vagues, indéterminées, indécises, et le merveilleux phénomène, affaibli, presque éteint, s'évanouissait insensiblement dans les nuages obscurcis du sud. On ne saurait comprendre la féerie d'un tel spectacle sous les hautes latitudes à moins de 8 degrés du pôle. Les aurores boréales, entrevues dans les régions tempérées, n'en donnent aucune idée, même affaiblie. Il semble que la Providence ait voulu réserver à ces climats ses plus étonnantes merveilles. Des parasélènes, nombreux, apparaissaient également pendant la durée de la Lune, dont plusieurs images se présentaient alors dans le ciel en accroissant son éclat. Souvent aussi, de simples halos lunaires entouraient l'astre des nuits qui brillait au centre d'un cercle lumineux avec une splendide intensité. Le 26 novembre, il y eut une grande marée et l'eau s'échappa avec violence par le trou à feu. L'épaisse couche de glace fut comme ébranlée par le soulèvement de la mer et des craquements sinistres annoncèrent la lutte sous-marine. Heureusement, le navire tint ferme dans son lit et ses chaînes seules travaillèrent avec bruit. D'ailleurs, en prévision de l'événement, Hatteras les avait fait assujettir. Les jours suivants furent encore plus froids. Le ciel se couvrit d'un brouillard pénétrant. Le vent enlevait la neige amoncelée. Il devenait difficile de voir si ces tourbillons prenaient naissance dans le ciel ou sur les icefields. C'était une confusion inexprimable. L'équipage s'occupait de divers travaux à l'intérieur, dont le principal consistait à préparer la graisse et l'huile produites par les phoques. Elles se convertissaient en blocs de glace qu'il fallait travailler à la hache. On concassait cette glace en morceaux, dont la dureté égalait celle du marbre. On en recueillit ainsi la valeur d'une dizaine de barils. Comme on le voit, toute espèce de vase devenait inutile. D'ailleurs, il se serait brisé sous l'effort du liquide que la température transformait. Le 28, le thermomètre descendit à 32 degrés au-dessous de zéro, moins 36 degrés centigrades. Il n'y avait plus que pour 10 jours de charbon et chacun voyait arriver avec effroi le moment où ce combustible viendrait à manquer. Hatteras, par mesure d'économie, fit éteindre le poêle de la dunette et dès lors Shandon, le docteur et lui durent partager la salle commune de l'équipage. Hatteras fut donc plus constamment en rapport avec ses hommes, qui jetaient sur lui des regards hébétés et farouches. Il entendait leurs récriminations, leurs reproches, leurs menaces même, et ne pouvait les punir. Du reste, il semblait sourd à toute observation. Il ne réclamait pas la place la plus rapprochée du feu. Il restait dans un coin, les bras croisés, sans mot dire. En dépit des recommandations du docteur, Penn et ses amis se refusaient à prendre le moindre exercice. Ils passaient des journées entières accoudés au poêle ou sous les couvertures de leur hamac. Aussi, leur santé ne tarda pas à s'altérer. Ils ne purent réagir contre l'influence funeste du climat, et le terrible scorbut fit son apparition à bord. Le docteur avait cependant commencé depuis longtemps à distribuer chaque matin le jus de citron et les pastilles de chaud. Mais ces préservatifs, si efficaces d'habitude, n'eurent qu'une action insensible sur les malades, et la maladie suivant son cours offrit bientôt ses plus horribles symptômes. Quel spectacle que celui de ces malheureux dont les nerfs et les muscles se contractaient sous la douleur. Leurs jambes enflaient extraordinairement et se couvraient de larges taches d'un bleu noirâtre. Leurs gencives sanglantes, leurs lèvres tuméfiées, ne livraient passage qu'à des sons inarticulés. La masse du sang complètement altérée, défibrinisée, ne transmettait plus la vie aux extrémités du corps. Clifton, le premier, fut attaqué de cette terrible maladie. Bientôt Gripper, Brunton, Strong durent renoncer à quitter leur hamac. Ceux que la maladie épargnait encore ne pouvaient fuir le spectacle de ces souffrances. Il n'y avait pas d'autre abri que la salle commune. Il fallait y demeurer. Aussi fut-elle promptement transformée en hôpital, car sur les 18 marins du Forward, 13 furent en peu de jours frappés par le scorbut. Penn semblait devoir échapper à la contagion. Sa vigoureuse nature l'en préservait. Shandon ressentit les premiers symptômes du mal, mais cela n'alla pas plus loin, et l'exercice parvint à le maintenir dans un état de santé suffisant. Le docteur soignait ses malades avec le plus entier dévouement, et son cœur se serrait en face de maux qu'il ne pouvait soulager. Cependant, il faisait surgir le plus de gaieté possible du sein de cet équipage désolé. Ses paroles, ses consolations, ses réflexions philosophiques, ses inventions heureuses rompaient la monotonie de ses longs jours de douleur. Il lisait à voix haute, son étonnante mémoire lui fournissait des récits amusants, tandis que les hommes, encore valides, entouraient le poêle de leur cercle pressé. Mais les gémissements des malades, les plaintes, les cris de désespoir l'interrompaient parfois, et son histoire suspendue, il redevenait le médecin attentif et dévoué. D'ailleurs, sa santé résistait. Il ne maigrissait pas. Sa corpulence lui tenait lieu du meilleur vêtement, et, disait-il, il se trouvait fort bien d'être habillé comme un phoque ou une baleine qui, grâce à leurs épaisses couches de graisse, supportent facilement les atteintes d'une atmosphère arctique. Atterras, lui, n'éprouvait rien, ni au physique ni au moral. Les souffrances de son équipage ne paraissaient même pas le toucher. Peut-être ne permettait-il pas à une émotion de se traduire sur sa figure. Et cependant, un observateur attentif eut surpris parfois un cœur d'homme à battre sous cette enveloppe de fer. Le docteur l'analysait, l'étudiait, et ne parvenait pas à classer cette organisation étrange, ce tempérament surnaturel. Le thermomètre baissa encore. Le promenoir du pont resta désert. Les chiens esquimaux l'arpentaient seuls en poussant de lamentables aboiements. Il y avait toujours un homme de garde auprès du poêle et qui veillait à son alimentation. Il était important de ne pas le laisser s'éteindre. Dès que le feu venait à baisser, le froid se glissait dans la salle, la glace s'incrustait sur les murailles et l'humidité subitement condensée retombait en neige sur les infortunés habitants du brick. Ce fut au milieu de ces tortures indicibles que l'on atteignit le 8 décembre. Ce matin-là, le docteur alla consulter, suivant son habitude, le thermomètre placé à l'extérieur. Il trouva le mercure absolument gelé dans la cuvette. 44 degrés au-dessous de zéro, se dit-il avec effroi. Et ce jour-là, on jeta dans le poêle le dernier morceau de charbon du bord.